Vous écoutez Futur Simple avec Valérie Levé et François Grégoire. Et nous sommes maintenant en compagnie de Mélanie Jean qui va nous faire voyager dans le monde à dos de drone. Bonjour Mélanie. Bonjour François. Alors, on ne voyage pas évidemment à bord d'un drone, mais tu vas nous donner des exemples inattendus d'utilisation de drones dans le monde. Oui, parce que les drones ne sont pas seulement utilisés que par l'armée, par exemple, parce que c'est assez connu. Ou on pense à ça au départ, oui, effectivement. Ou que pour le plaisir, pour faire des très beaux vidéos ou des belles photos. Donc, le premier exemple que j'avais envie de vous parler, c'est en Australie, il y a des drones qui survolent les plages pour repérer les requins. Ensuite, je vais vous parler qu'aux États-Unis, on fait des livraisons de colis maintenant avec les drones. Et en Afrique, on livre aux hôpitaux des médicaments et des poches de sang. Mm-hmm. Donc, comme je le disais, c'est vraiment pas un usage qui est uniquement voué à l'usage militaire ou à l'usage pour le loisir. Effectivement. Alors, on va commencer avec l'Australie. Oui. Bien, en fait, les drones survolent les plages australiennes pour repérer les requins puis fournir aux nageurs et aux surfeurs des équipements de secours si besoin, beaucoup plus rapidement que des sauveteurs en chair et en os le feraient. Ouais. Et les drones repèrent les requins et alertent les nageurs et les surfeurs en temps réel pour qu'ils rentrent à la plage à temps. Donc, ils permettent une surveillance aérienne rapprochée. Est-ce que les drones sont capables d'identifier que les requins ou ils peuvent faire d'autres choses? Non, ils sont en mesure d'identifier 16 objets différents comme des requins, des baleines, des dauphins, différents types de bateaux... plein de choses intéressantes, bref. Et les drones utilisent des technologies vraiment dernier cri pour identifier les différents objets qui se retrouvent sur la mer grâce, entre autres, à l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Le logiciel peut faire la différence entre les différents habitants de la mer, comme les requins, et il identifie avec un taux de réussite de quand même 90 % contre 16 pour l'œil humain. OK, donc il est vraiment supérieur à l'œil humain. Tout à fait. Les drones sont également capables de larguer des équipements aux personnes qui sont en difficulté et quelques secondes là, après les avoir repérés. Donc, c'est super efficace. En Australie, il existe aussi des clubs de secours pour les surfeurs parce que c'est très populaire là-bas. Ouais, ils ont des très belles plages. Malheureusement, il y a beaucoup de requins dans les eaux près de l'Australie. Et donc, ces clubs-là sont installés sur les côtes australiennes et les secouristes veillent surveillent la mer à l'œil nu et surveillent en cas de danger. Ils partent au secours de la personne à bord de canots pneumatiques ou de planches. Et quand des centaines de nageurs sont rassemblés récemment pour une course de natation sur la plage de Bilgola, près de Sydney, ils savaient qu'ils risquaient pas vraiment de rencontrer de requins, justement, grâce à cette technologie-là. Donc, ils avaient beaucoup plus l'esprit tranquille parce qu'ils savaient qu'il y avait une surveillance qui était faite là, aérienne, si on peut dire. Oui, c'est ça. Et certaines plages australiennes sont aujourd'hui équipées de filets anti-requins. Et ça garantit pas totalement la sécurité des nageurs. Et en plus, ça provoque quand même beaucoup de dégâts sur la faune marine. Il y a même une étude gouvernementale qui appelle là, à leur disparition parce que c'est beaucoup plus nuisible que ça peut aider. Et il y a eu plusieurs attaques de requins en 2000. Ben, plusieurs. C'est relatif. En 2017, là, d'après les spécialistes, les incidents sont en augmentation principalement à cause que, la popularité des sports nautiques est de plus en plus croissante. Et aussi du fait que certaines catégories de poissons sont plus proches des plages maintenant. Mais les attaques mortelles sont quand même vraiment rares. Au cours des 50 dernières années, il y en a quand même juste eu 47. Ouais. Ça peut avoir l'air beaucoup, là, mais à titre indicatif, le requin, c'est de loin un des animaux qui est le plus dangereux pour l'homme. En moyenne, là, les moustiques font 2 millions de victimes annuellement comparativement à 5 pour les requins. Donc, okay. C'est assez relatif. En Australie, les drones repèrent les dangers de la mer, mais ailleurs, les drones font de la livraison à domicile. Oui, bien, tout le monde connaît Amazon. Et, oui, oui. Presque. Donc, le géant du commerce en ligne a décidé, depuis 2016, de faire des livraisons avec les drones. Donc, sa première livraison a eu lieu l'an passé. Et le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, a indiqué dans un tweet que la livraison avait pris 13 minutes entre la commande et la réception par le client. C'est vraiment très rapide. Et en fait, le client avait commandé un module de réception là, de télévision en continu là, qui s'appelle Fire TV et un sac de popcorn. On se demande qu'est-ce qu'il va faire, mais on s'en doute. Et donc, Amazon a indiqué que la livraison avait eu lieu exactement le 7 décembre 2016 en Grande-Bretagne, dans la région de Cambridge. Et ça, c'est via le service Amazon Prime. Amazon avait annoncé en juillet 2016 le lancement d'un programme de livraison par drone en Grande-Bretagne en collaboration avec le gouvernement britannique. Mais il n'est pas le seul à travailler avec ce type de méthode-là. Alphabet, c'est la filiale de Google, a annoncé en août un programme test en collaboration avec l'Agence fédérale d'aviation américaine, le FAA, dans le cadre d'un projet appelé Wing. Il y a aussi Walmart, qui le fameux géant américain de la distribution classique, qui envisage maintenant de livrer des produits par drone. Mais si on recule, la première livraison par drone aux États-Unis, c'est pas Amazon qui l'a fait. Ça a été effectué en juillet 2016 par les magasins dépanneurs 7-Eleven. Il avait acheminé un sandwich au poulet, un café et un beignet dans la région de Reno, au Nevada. Mais en fait, je trouve ça bien, effectivement, qu'on utilise les drones à cet effet-là, sauf qu'effectivement, il risque éventuellement d'y avoir des collisions si tout le monde se fait. Oui, là, il va peut-être falloir qu'il y ait, comme pour les avions, des corridors aériens pour les drones. De drones, effectivement. Mais Mélanie, à part de livrer des sandwichs ou du popcorn, les drones peuvent livrer des colis plus existentiels à caractère médical, comme des sacs de sang ou des poches de sang au Rwanda. Oui, et comme tu l'as dit, c'est des livraisons beaucoup plus complexe à gérer que du pop-corn. Oui, parce que c'est périssable. Oui. Depuis octobre 2016, il y a des petits aéronefs / drones qui survolent le Rwanda pour parachuter des lots de poches de sang au-dessus des hôpitaux, les hôpitaux qui ont passé la commande au préalable. Uh-huh. Et le gain de temps est vraiment considérable. Depuis octobre 2016, c'est livré dans 8 hôpitaux. Il y en a 21 qui devraient être desservis même là, d'ici la fin de cette année. Au sud puis à l'ouest du Rwanda grâce aux drones. Et c'est la première fois dans le monde que ce type d'appareil est utilisé dans le milieu médical. Parce que là, le sang, c'est quand même assez précieux. Tout à fait. Les appareils, c'est des appareils qu'on appelle ZIP. Ils sont plus rapides et beaucoup plus sûrs que le transport par la route. Il y a donc un gain de temps, un gain d'efficacité qui est considérable. Mais on compte aujourd'hui là, une dizaine de décollages quotidiens. Donc, c'est vraiment énorme. Mm-hmm. Et comment ça fonctionne, au juste, pour que le transport soit sécuritaire? Bien, à l'intérieur, il y a une pièce hermétique à la base du drone. Des réfrigérateurs contiennent des lots de sang de tous les groupes sanguins qui existent. Mm-hmm. Et une fois la commande qui est enregistrée, les poches correspondantes sont installées dans la boîte en carton équipée d'un parachute et sont logées dans le ventre de l'appareil. Et l'aéronef est quand même petit, il pèse 13 kilos. Il peut faire une livraison de 1,5 kilos. Il est ensuite placé sur une rampe de lancement, un peu comme une catapulte. Mm-hmm. Et là, face au vent, pour améliorer la portance, ben, le drone décolle à 20 mètres secondes, ce qui correspond à 72 km/h. C'est quand même rapide. Après avoir reçu là, l'autorisation de l'aéroport, rien de moins. C'est ça. Donc, il vole à une altitude d'environ 100 mètres. C'est pas très haut. Mais ils vont quand même à une assez bonne vitesse, là, une vitesse de croisière de 90 km/h. Et ils se déplacent grâce à un GPS et des batteries au lithium qui leur donne une autonomie d'environ 150 km. Donc, c'est quand même assez bien. Oui. S'il perçoit un problème, le drone peut retourner de lui-même à sa base. Et l'intégralité de son parcours est suivie là, sur des cartes électroniques. Là. Et une fois arrivé sur la zone de largage, ben là, l'aéronef va descendre à peu près une dizaine de mètres. Il va effectuer un cercle, il va faire des calculs en fonction du vent, le meilleur moment pour ouvrir sa soute et larguer son parachute. Ben oui, c'est ça qui est étonnant, en fait. Il atterrit pas, en fait. Non, le drone ne va pas atterrir, il va juste larguer sa charge. Sa livraison. Donc, il ne se pose jamais au centre médical. Puis là, après le largage, il va revenir à la base. Il va être récupéré grâce à un filin qui est tendu là, à quelques mètres du sol. Puis on va l'attraper avant qu'il tombe sur un gros matelas pour après amortir sa chute. Donc, l'atterrissage n'est pas encore tout à fait à point. Oui, c'est ça. Donc, ce projet de livraison de poches de sang par drone est mené en collaboration avec les autorités rwandaises et notamment le ministère de la Santé. Donc, c'est vraiment géré là, de façon importante. Les drones livreurs de sang pourraient prochainement même survoler le Costa Rica ou d'autres pays d'Afrique comme la Tanzanie. Il y a récemment, justement, j'ai vu un reportage d'un autre usage super intéressant de drones dans l'Ouest canadien, dans les réserves nationales où il y a les troupeaux de bisons. Oui. On surveille les troupeaux via les drones pour avoir une idée de l'effectif. Est-ce qu'il est en augmentation? Pour la recherche scientifique, c'est exactement, ça. Exactement, pour surveiller est-ce que la population est en croissance? Est-ce qu'elle est en déclin? Est-ce que le territoire, ça a l'air de quoi? Donc, il y a vraiment des usages... Oui, ça les dérange pas. Ils doivent même pas s'en rendre compte à part ça. Non, c'est ça. C'est quand même... ça peut être subtil, si on veut. Tout à fait. On vole quand même assez haut. Donc, comme outil d'observation. C'est probablement pour justement pour les troupeaux d'animaux beaucoup plus intéressant de survoler avec un drone qu'avec un hélicoptère qui est beaucoup plus voyant. Ben oui, et bruyant aussi. Oui, oui. Donc, qui peut affecter leur comportement. Donc, ça perturbe beaucoup moins, je pense, les populations là, d'animaux qui sont surveillés par les drones. Donc, comme on peut voir, c'est pas seulement réservé à l'armée ou pour faire des très beaux vidéos sur YouTube. Et aussi, il y a probablement place à amélioration, effectivement, pour qu'il y ait peut-être des décollages ou des atterrissages en douceur. Oui. C'est ça qui est obligé de... Oui, mais je pense que dans l'avenir, ça va devenir de plus en plus populaire et ça va falloir que ce soit vraiment très réglementé et surveillé parce que... Puis là, d'ailleurs, aux États-Unis, une année, on autorise, une année, on n'autorise plus. C'est même difficile à suivre, juste la législation par rapport à ça. Donc... Et puis là, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'il va falloir avoir des corridors aériens pour les drones? Ben oui. Oui, parce que sinon, il va y avoir des collisions ou même qu'il pourrait y avoir aussi si un drone échappe sa charge, ça pourrait tomber sur la tête de quelqu'un. Oui, il faut pas que c'est ça, faut que ça soit livré au bon c'est endroit. C'est ça. Il faut pas que ça soit échappé n'importe où non plus. Oui. Ou sinon pirater, détourner les drones. Oui. Ou il pourrait y avoir des collisions avec des oiseaux aussi, là, en fait. Oui, oui. Tout est possible. C'est exactement. On préfère ces usages humanitaires, comme les livraisons de sang, par exemple, plutôt que des usages militaires, effectivement. Tout à fait. Alors, Mélanie, tu vas prendre congé de Futur Simple pour la saison d'hiver. Oui, je vais peut-être pouvoir être de retour à l'automne. Ben, c'est bien. Tu viens de terminer ta 85e chronique. Wow! J'avais pas fait le décompte. Oui, je les ai comptés, moi. Et ta première date, en fait, ta première chronique date du 28 octobre 2010 avec un reportage justement sur l'Australie. Alors, merci infiniment, Mélanie, pour toutes ces chroniques. Ben, ça m'a fait grand plaisir. On vous revient dans quelques instants.